faire des principes des conneries. Nous c'était pas une hystérie. J'ai juste envie de te dire que force de parler cela va te nuire. J'enlève tous tes préjugés parce que je sais que tu m'as attribué au rang des nègres déchirés. Alors je suis sage et mieux élevé que toi. Je me casse la gueule quand je te vois, c'est toi qui dégueule. La preuve ce n'est pas pour toi, sans du tout la marijuana. Alors pour ta défense, quoi c'est pas assez intense. Ça veut dire je suis misérable, moi au moins je suis charitable. Tu dis de moi que je suis décontent, mais moi au moins je suis consentant. Alors pour ta défense, tu choisis quoi? Je t'emmerde, toi le crétin, avec tes phrases de bon à rien. Je t'emmerde, toi le bourgeois, avec tes balivernes de votre foi. Je t'emmerde, toi la vélo, tu vas en douce, toi au bistrot. Je t'emmerde, toi, et me demande pas pourquoi. Je t'emmerde. Tu me traites de galérien, avec ton régime draconien. Tu dis je fous ma vie en l'air, alors tu prônes le nucléaire. Alors pour ta défense, tu t'en fous à outrance. Tu dis je suis désabusé, alors c'est toi le mal baisé. Tu travailles dur pour ma survie, alors tu travailles pour autrui. Comment ça ramasse-t-il une connerie? Ouvre les yeux et suivis. Je t'emmerde, toi le crétin, avec tes phrases de fond à rien. Je t'emmerde, toi le bourgeois, avec tes balivernes d'autrefois. Je t'emmerde, toi l'intello, tu pars en douce, pars au bistrot. Je t'emmerde, toi, et me demande pas pourquoi. Je t'emmerde.